pas plus de famille, j'ai déjà ma famille, m'appelle pas la famille, je ne veux que des grammys. L'argent à chaque les mains sont salées, les mains sont salées, les démons manipulent chaque jour, je tourne, je tente. Regarde autour de toi, on est dans la cour des grands, pourtant ne te tourne pas, non. Le niveau est toujours élevé, vivez du coucher au lever, les bâtis se font des relevés, les plus battus essaient de sauver. Qui a mis un truc dans mon revêt, qui a mis un truc dans mon revêt, qui a prêt à tirer sans regret, qui veut faire un tour à Robert de Vray. On y va, où tu voudras, quand tu voudras. Et les yeux sont véritables, la misère inévitable. Dans ma rue c'est very bad. 100 000 dans la valise, meilleur malin ralice. Braza, Paris, Alger, on ira braver le danger. Avant c'était la race, maintenant ça va. On a fait tout ça avec nos bravas. Je tue le game, mais papa me dit bravo. Et merci, c'est à vous pour les travaux. Je vérifie, je recompte, je vérifie. BDG, 44, Calefit. Pas de traître, pas de bitch, pas de fit. On y va, où tu voudras, quand tu voudras. Pour le bif, on ira. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Si tu veux la guerre, si tu veux la guerre, on ira. L'oiseau fait son nid, le voleur n'y s'en fait. Oh non, soldat, sans grève, sans bas. Y'a rien de nouveau, je sors de cavale. Y'a toujours tes tapins, toujours elles avalent. J'enroule des ballons, j'enroule une cavale. Toujours, je rirai les panaches. Je sais qu'en hiver, tu n'étais pas là. Je tartinais avec des calages. La saison hiver, que pour les bananes. Calage, nickel dans le garage. Où tu voudras, quand tu voudras. Pour le bif, on ira. On ira. Ah. Où tu voudras, quand tu voudras. Si tu veux la guerre, si tu veux la guerre, on ira.